Un mal. Chapitre 32. Un apaisement détendit les rapports de Germaine et de ses frères. Il sembla que l'injure lavée eût petit à petit lavé la faute. De même qu'il y avait eu entente commune pour l'isoler, il y eut accord tacite pour adoucir la sévérité des premiers jours. Le père aussi avait une voix moins grave en lui parlant. Il était joyeux, le grand gaillard, de retrouver en ses garçons sa trempe robuste et droite. Les haillots, Rossé et Raclé se tiendraient quoi désormais? Ils avaient éprouvé ce que pèse un bras de vrai gars, et une fierté s'était mêlée à son attendrissement quand Grigole, rentrant à la ferme le dimanche de la rencontre, lui avait fait le récit de la bataille. Ses fils étaient arrivés un peu après. Il avait eu alors un beau mouvement. « Bien, les enfants, v'là 20 francs pour chacun, je suis content !» L'histoire avait fait le tour de la ferme, augmentée de détails par Grigole, qui ne s'oubliait pas. Pendant près d'une heure à l'entendre, il s'était arpaillé avec le Crolet, lui livrant des bottes formidables. À la fin, ce dernier avait chu et il lui avait mis son genou vainqueur sur le flanc. Germaine, elle aussi, sentit diminuer l'affront sous la volée reçue par les haillots. Elle avait le droit de lever la tête à présent, et son mépris pour le blême prestolé s'accroissait de la pleutrerie de sa défaite. La mélancolie des jours finissait par se fondre dans une sérénité. Elle espéra. Sa vie un instant brisée pourrait se refaire. Le bruit de son aventure se disperserait avec d'autres semblables. L'été lui sembla plus doux. Il lui paraissait qu'elle reprenait avec les choses une connaissance interrompue. L'être conscient et réfléchi se réveillait en elle, sous la créature machinale qui vaquait aux besognes de la maison. Et plus que jamais, elle se promit de résister aux tentatives possibles de cachaperer pour la revoir. Ce matin-là, la Cougnole vint donc à la ferme. Elle s'avançait, courbée sur son bâton et traînant la jambe. Ses maigres tibias flottaient dans le tire-bouchonnement de ses bas noirs, visibles sous sa jupe de cotonnette qui ne dépassait pas ses genoux. Elle portait au bras son éternel cabas en paille rapiécée de drap. Germaine eut un peu de honte à la voir se planter devant elle, énigmatique et louche, lui faisant des signes à la dérobée, tout en marmottant très haut des bénédictions. Des souvenirs de folie coupable rentraient à la ferme avec l'entremetteuse. Qui sait, peut-être l'avait-il chargée d'un message. Tant pis, elle n'entendrait rien. Et, très décidée d'abord, elle finit par être gagnée d'une curiosité. Elle regarda autour d'elle, rapidement, et l'entraîna du côté du verger. La vieille claudiquait à sa suite, cognant son bâton contre le pavé et geignant. Quand elles furent derrière la haie, « Ben quoi ?» dit Germaine. Cougnole posa ses deux mains sur sa canne, reprit haleine en tirant de sa gorge des sons rauques et rouillés de vieille horloge, puis parla. Ma fille, ma sainte fille, fit-elle, je suis toute stropiée depuis le temps que t'es venue à la maison. Je sais vraiment pas Dieu comment j'ai fait pour me traîner jusqu'ici. J'ai la crampe aux jambes, et il me semble que je vais tomber là, à cette heure. Et ça n'est Dieu pas pour te rien dire de mauvais, mais il y a longtemps que la chère créature du paradis n'a plus pensé à sa vieille Cougnole. Je me disais, elle a autre chose à faire qu'à écouter les patres nôtres de la vieille. Mais là, tout de même, ça me sait quelque chose. Peut-être bien qu'elle m'a oublié, que je me disais. Je lui ai pourtant rendu bien des petits services à l'occasion. Ah oui, dans le bon temps, on venait à la maison. On avait des douceurs pour la vieille. On savait bien que c'était chez elle comme chez le bon Dieu, et qu'il n'y avait personne pour regarder par le trou de la huche. Ah oui, ça c'est ben vrai qu'il n'y avait personne. Ils boudent, que je me dis, ils reviendront. Une si belle couple, si beau brin d'enfant. C'est-tu pas Dieu fait pour se becter comme des pigeons? Je vous aimais comme fille et m'garçon, d'autant que j'avais la vie peut-être ben moins dure qu'à c't'heure. Faut dire, m'cher, qu'il a venu souvent, le pauvre cher homme. Si bon, si brave, si honnête pour moi. Et qu'à chaque fois, il me donnait une petite donnance, que même il m'appelait sa chère maman, que ça m'esclaffe le cœur. T'as besoin pour tes vieux jours, qui me disait, d'un peu de bon temps. Tes souliers sont à trous, comme ta maison, et la pluie pleuve à travers. Ah, là sûrement des nippes, vas-y lui dire. Ah oui, que je me disais, elle en a. Si tant est qu'elle n'aurait deux chemises, une robe, de vieux jupons, ça me ferait mon hiver. Avec un peu de nourriture et de genièvre avec. Et elle laisserait sa vieille souquelaire se mourir pour ça. Ah non, c'est de méchantes gens qui diront ça. Mais je la connais, moi, cœur de bon Dieu. T'as mes bénédictions tous les soirs. Vrai, comme il est là qu'il nous voit, le saint bon Dieu te mettra à sa droite en paradis. Elle souffla un instant et reprit. Je suis venue pour autre chose aussi, m'fille. Pauvre cher garçon, il ne vit plus, il ne mange plus, il ne dort plus, il n'est plus un homme, ni une ombre d'homme. Ah, qui m'a dit, va la voir. Dis-lui qu'elle dise ce qu'elle a à me dire. Si elle dit que c'est tout et que c'est fini, ben, qu'elle le dise. Je me ferai sauter dans le bois. Personne ne le saura. Je m'en irai de son chemin. Il n'y aura personne pour le lui dire. Je suis libre de rester ou de m'en aller. Mon corps de chrétien est à moi. J'ai la mort sur le dos. Aussi bien, ça m'est égal de crever à cette heure ou demain. Et il pleurait. Minute que je lui ai dit. Ça n'est pas Dieu possible qu'elle voudrait ta mort. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Elle a peut-être malade, la chère fille. Faut que j'aille. Non, qu'il m'a dit, elle n'est pas malade. Vaut mieux que je me tue. Elle m'a jamais aimé, que je te dis. C'est ça, sa maladie. Elle entrecoupait ces mots de soupirs, passait le dos de sa main sur ses yeux, continuant à s'apitoyer sur lui. Sa chère fille, pour sûr, ne le reconnaîtrait plus, tant il avait changé. Il n'avait plus que la peau sur les os. C'était à fendre l'âme, etc. Germaine l'écoutait parler, irritée des souvenirs qu'elle évoquait et charmée en même temps. La constance de cet amour la mollissait, l'impatientait comme une chose obsédante et douce. C'était donc vrai qu'il l'aimait tant que cela. Elle était plantée dans sa vie comme une hache dans un chêne. Sa vanité de femme s'accommodait de cette rude tendresse, mais par forfanterie, elle haussait les épaules, feignait l'ennui. À la fin, elle prit un parti. « Tout ça, c'est des chansons !» dit-elle. « C'est pas que je l'aime pas, je l'aime bien. Mais un quatre-chemins la potence au bout comme lui n'est pas l'homme qu'il me faut. Je suis déjà assez malheureuse par sa faute. » Et elle la mit au courant de sa brouille avec son père et ses frères, cédant petit à petit à l'envie molle des larmes. Cugnol s'exclama, hochant la tête en signe d'assentiment et frappant ses mains l'une dans l'autre. « D'abord que c'est ainsi, » dit-elle. « T'as bien raison, m'chère, de ne plus voir ce grand vaurien. Un homme qui n'a que sa marronne, si tant est qu'il l'a, n'est pas un coq pour toi. Voyez-vous, Dieu, ça, que ce gueux de bois aurait tous les jours de la vie une belle mamselle comme du sucre à croquer? Sais-tu pas ben assez qu'on s'est amusé un peu, un tout petit peu ensemble, là, pour s'amuser? Ce serait du neuf qu'il faudrait marier tous les hommes avec qui on a joué le jeu du bon Dieu. Ah, m'fille, m'chère fille, quoi que tu me dis là, d'abord qu'il vient, je lui dirai son affaire à ce grand los. C'est ben la pure vérité qu'il a de l'amitié pour moi. Même cher ami aussi a de l'amitié pour moi. Elle ajoutera une raouette à ses petites donances. Et je dirai une prière de plus au sein du bon Dieu du ciel et de l'enfer. Germaine fut obligée de l'arrêter dans ses propos contre Cachapret. Il fallait être prudente au contraire, ne rien laisser percer de ses intentions à elle, lui dire seulement qu'elle était gardée à vue par les siens, et petit à petit user ce cœur sauvage de crainte d'un éclat. « Bon là, l'avocat !» s'écria la vieille en biglant. « Le sucre est fait pour les mouches !» Elle s'en alla, le cabas bondé, marmottant entre ses dents des actions de grâce, et bien après qu'elle eut dépassé la porte, sa voix s'entendait encore traînante et nasillarde. Germaine la vit clopiner sur le chemin dans le poudroiement de la lumière, et pas à pas, sa silhouette boiteuse décrut au loin derrière les blés. Elle en eut une délivrance. Il lui semblait qu'un danger s'en allait avec la roublarde et papelarde commère. Cougnol s'engagea dans la forêt. Comme un ressort qui s'allonge, ses jambes tout à l'heure traînantes se détendaient maintenant, scandaient le chemin de larges coups de talons. C'est à peine si elle cédait de son bâton. Des sentiers s'enfilaient les uns aux autres, grimpant les pentes, contournant les bosselements, longeant les ravines, dans la clarté verte des végétations. Elle n'était pas gênée par les accidents du sol, et, gaillardement, attaquait les montées, trottait aux descentes, enjambait le lit des ruisselets taris par le soleil. Bientôt la forêt s'acheva en taillis, disséminée sur un large espace. Le soleil ardait là comme une fournaise, séchant les racines qui craquaient sous ses souliers. Le silence était profond, interrompu seulement par le bourdonnement des grosses mouches, et les arbustes se dressaient, immobiles sous le midi implacable qui les grillait, et tout autour d'eux fendillait la terre de larges gerçures. La vieille tira son mouchoir jusqu'à ses yeux aveuglés de lumière, et, ramant des deux bras, poussa à travers les taillis. L'homme était couché à l'ombre sous un chêne. Il avança la tête hors des feuillages, rampant sur le ventre. Puis, l'apercevant, il se dressa. Cachapret seul à la ronde avait ses larges épaules et cette fière mine. « Fille !» lui dit-elle en s'abattant à terre. « Je suis à haut et à sang. Le saint bon Dieu ait pitié de mes os. » Il frappait du pied, impatienté, sombre. « L'as-tu vu, hein ?» Elle fit aller sa tête en signe d'affirmation, et la bouche béante comme suffoquée, elle aspirait l'air, répétant « Misère, s'est-tu permis de se mettre à bas pour rendre service au monde ? Oh, ouf ! Et qu'est-ce qui m'en reviendra ? Rien, Il prit une poignée de sous dans sa poche. « Tiens, la mère, v'là des mastocs ! » Elle glissa les sous dans son cabas, dégourdi du coup. « D'abord que c'est comme ça, » dit-elle. « On a du courage. »« Ben oui, je l'ai vu. »« Elle n'est pas malade, la pauvre chère, mais elle ne va pas mieux. »« Elle pleure toutes les eaux de ses yeux de ne plus voir son cher et tendre. »« C'est miséricorde. » Le visage du drille s'éclaira. « Quoi que t'as dit là, elle pleure ?»« Elle est bien à plaindre. Ah, vaurien. C'est mon père là-bas comme plâtre et poussière à cause de toi. » Il eut un attendrissement. Ma pauvre commère. Elle lui dit la colère des frères, la surveillance constante qui pesait sur Germaine, la tristesse de sa vie. Lui souriait, ravi, les yeux éclatants, ne voyant qu'une chose, cette tendresse qui souffrait pour lui. Et il répétait : C'était donc ça. « C'était donc ça. » Elle hocha la tête. « Ah ben oui, et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Le pauvre cher garçon que je lui ai dit est maigre et rebuté comme un loup des bois. Oh oh, ses yeux sont tout dit pareils à des fontaines. Bien dit, vieille, il n'a plus que l'âme à passer. Bien dit, il se fera un malheur. C'est vrai, t'as bien parlé. » J'aime autant être mangé des vers que de vivre sans ma Germaine. Fallait l'entendre. Elle criait, elle braillait, pique une truie qui truillonne. Elle serait venue si elle avait pu, mais pas possible. C'est fini de se voir et de pégoter qu'elle m'a dit. Bon, que je lui ai dit, Si ce n'est que pour un petit temps, il n'y a point de mal. Ah oui, Karl m'a dit, car de vivre sans mon homme, je voudrais plutôt ne vivre point. Il l'écoutait dire, pendu à ses mots comme à des bonheurs. Sa poitrine battait fortement. Il eût voulu crier, chanter, se rouler à terre. « Mamie, ma chère amie, » balbutia-t-il. Et sous ce midi brûlant, les yeux grands ouverts, il croyait rêver. « Adieu, m'fille, » dit la pauvresse. « Je vais prier le bon Dieu pour ces créatures. Mon estomac est en tout dire sec comme un four à pain. Si t'es pas plus dur qu'un chien, tu me donneras encore un mastoc pour boire un verre au cabaret. » Il vida sa poche dans ses mains gaiement. « Prends tout, je suis ben assez riche comme ça. » Elle le laissa, fit une centaine de pas, et, cachée par les taillis, sans se retourner, lui cria de ne rien tenter auprès de Germaine pendant une semaine ou deux. Pensant en elle-même, la rusée, que d'ici là, les choses auraient le temps de s'arranger ou de se brouiller, comme elle voudrait.